Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter. Le fait d'imiter les mécréants dans la célébration de leur fête ne revient en réalité qu'à les suivre dans l'assouvissement de leurs passions. Les passions de gens ignorants qui ne savent pas. Islahul Ummah, réformation de la communauté. Comment peux-tu ainsi t'allier avec des gens injustes et te rassembler avec eux alors qu'Allah Azza wa Jal s'est désavoué d'eux? Une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. N'agrée pas pour ta personne l'humiliation, toi le musulman, en ressemblant aux mécréants, ni dans la célébration de leurs fêtes, ni dans leurs paroles et tous leurs faits et gestes, car c'est une communauté de gens égarés. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, quel que soit le domaine dans lequel tu les auras suivis et imités, sache qu'ils ne sont en rien bien guidés. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj au Yémen. Et pourquoi donc les musulmans devraient-ils les célébrer? Et pour quelle raison le travail devrait-il être arrêté? Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. C'est une perte de temps, un détournement par l'ignorance, une perte d'argent et du gaspillage, et cela engendre bien d'autres dommages encore. Sermon numéro 20. الإرشاد إلى وجوب مخالفة الكافرين فيما أحدثوه من الأعياد. L'obligation de contredire les mécréants dans la célébration de leurs fêtes. Il est donc strictement interdit à quiconque de se réjouir de ces fêtes, implicitement ou explicitement. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Allah Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو vous qui croyez craignez Allah tel qu'il doit être craint et ne mourrez qu'en étant soumis. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, Adam, et qui à partir de celui-ci a créé son épouse, Hawa, Eve, puis qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez craignez de rompre les liens parentaux, certes Allah vous observe parfaitement. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il corrige et améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ceci étant dit, la plus véridique des paroles est certes celle d'Allah, et la meilleure des voies à suivre est celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et la plus mauvaise des choses concernant la religion est celle qui a été inventée, et toute chose inventée dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement. Ô vous les gens, l'imam al-Bukhari a rapporté dans son recueil de récits authentiques, dans le récit d'Ibn Abbas radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les personnes les plus détestables auprès d'Allah sont de trois catégories. La personne injuste qui sombre dans les péchés, celui qui désire instaurer dans l'islam une tradition de la jahiliya, l'époque anté-islamique, et celui qui fait couler le sang d'un musulman injustement. Voilà trois types de gens parmi les plus haïssables auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et parmi eux, il y a donc celui qui désire instaurer dans l'islam une tradition de la jahiliya. Et l'islam est une religion complète et entière. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Il s'agit là d'un ordre qu'Allah a agréé pour ses serviteurs. Il leur incombe donc de l'accepter. Un décret qu'Allah subhanahu wa ta'ala a achevé pour sa communauté et qu'il en a fait un bienfait avec lequel il les a comblés. Certes, cette religion, qu'est l'islam, Allah Azza wa Jal n'a rien négligé à son sujet, concernant tout ce dont ses serviteurs ont besoin dans leurs affaires religieuses. Il est donc obligatoire de l'agréer tel quel. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, elle ne lui sera point agréée, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Qu'il s'agisse d'un changement total de religion, il fera alors partie des perdants. Ou qu'il s'agisse d'un changement partiel des rites islamiques, là aussi, il sera parmi les perdants, relativement à l'altération qu'il aura apportée à la religion, conformément à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam: je vous ai laissé sur la voie claire, de jour comme de nuit. Nul ne s'en écartera, si ce n'est celui qui se sera perdu. Ainsi, quiconque aura désiré accomplir dans l'islam un acte des gens de la jahiliya, la période anté-islamique, voulant en cela les suivre et les imiter, comme par exemple dans la célébration de leur fête, qu'il sache alors qu'Allah nous les a remplacés par meilleurs qu'elles. Il a en effet été établi par Abu Daoud et autres que lui, d'après le récit d'Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui a dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigra à Médine, il trouva les gens qui se distrayaient durant des jours précis, et ils prenaient du bon temps. Il leur dit alors: quels sont ces deux jours? Ils répondirent: cela fait partie de nos anciennes coutumes pré-islamiques, que nous jouions et nous nous divertissions durant ces deux jours. Il dit alors: Allah vous les a remplacés par deux jours meilleurs qu'eux, Eid al-Fitr, le jour de la fin du jeûne du mois de Ramadan, et Eid al-Adha, le jour du sacrifice. Donc celui qui souhaite le bien, Allah le lui donne. Mais quant à celui qui ne profite pas de ce bien, en s'y contentant, il demeurera alors dans le mal de la jahiliya, continuant ainsi à adopter ses mauvaises pratiques traditionnelles. Il a ainsi été rapporté dans le recueil de récits authentiques d'Al-Bukhari, d'après Hudhayfa radiallahu anhu, qui a dit: les gens interrogeaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien, tandis que moi, je l'interrogeais au sujet du mal, de peur qu'il ne m'atteigne. Je lui dis ainsi: ô messager d'Allah, nous étions avant ta venue dans la jahiliya et le mal. Et prête attention à la parole dans la jahiliya et dans le mal. Et fais le rapprochement entre ce récit et le précédent. Allah vous les a remplacés par deux jours meilleurs qu'eux. Hudhayfa dit ensuite: puis Allah nous a porté ce bien, à savoir l'islam. Viendra-t-il après ce bien un mal? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit: oui, il y aura une fumée. Je dis: et qu'est-ce que cette fumée? Il dit, des gens qui pratiqueront des traditions autres que la mienne et qui suivront des voies autres que la mienne, vous agréerez certains de leurs actes et d'autres que vous blâmerez. Il évoque ensuite qu'il y aura à cette époque des prédicateurs qui se trouveront devant les portes de la Géhenne et qui appelleront les gens à l'égarement. Et notre preuve dans ce récit, ô toi le musulman, est que tu es régi par des lois religieuses. Il t'est donc obligatoire de suivre ces préceptes et de t'en contenter. Allah Azza wa Jalla a dit en commandant cela: "Thumma ja'alnaka 'ala shari'atin min al-amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun." Puis nous t'avons guidé sur la voie selon notre ordre, une religion claire et parfaite. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Certes, le fait d'imiter les mécréants dans la célébration de leurs fêtes ne revient en réalité qu'à les suivre dans l'assouvissement de leurs passions, les passions de gens ignorants qui ne savent pas. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: "Innahum lan yughnu 'anka min Allahi shay'a wa inna adh-dhalimina ba'dhuhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin." Ils ne te seront d'aucune utilité face à Allah, et certes les injustes sont alliés les uns les autres, tandis qu'Allah est le protecteur des pieux. Comment peux-tu ainsi t'allier avec des gens injustes et te rassembler avec eux alors qu'Allah Azza wa Jalla s'est désavoué d'eux, prenant plutôt pour allier des gens pieux? Certes, les fêtes de l'époque anté-islamique et le fait d'imiter les gens de cette ère, de même que les polythéistes, les juifs et les chrétiens, dans la célébration de leurs fêtes, n'est bâti que sur les passions. Et cela n'est en réalité que de l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, le Coran: "Wala in ataita alladhina utul kitab bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblat ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilm innaka idhan lamina adh-dhalimin." Et si tu as apporté toutes les preuves à ceux à qui le livre a été donné, les juifs et les chrétiens, ils ne suivraient pas ta direction, et tu ne suivras pas la leur, de même que certains d'entre eux ne suivent pas la direction d'autres. Et si tu venais à suivre leur passion après ce qui t'a été apporté comme science, tu seras alors du nombre des injustes. Accepterais-tu donc pour ta propre personne d'être injuste? Et ce discours est destiné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté. Innaka idhan lamina adh-dhalimin, tu seras alors du nombre des injustes. Allah Azza wa Jalla a donc informé pour quiconque les aura suivis que cela est un égarement, qu'il s'agisse de la célébration de leur fête ou autre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: "Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al-haq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ." Ô vous les croyants, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant ainsi l'amitié, alors qu'ils ont mécru en ce qui vous a été parvenu comme vérité. Ils expulsent le messager et vous-même, parce que vous croyez en Allah votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon sentier et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez? Et quiconque d'entre vous le fait s'égare certes de la droiture du sentier. Et le fait de les suivre en apparence révèle en réalité d'une approbation intérieure dissimulée, que ce suivi soit occasionnel ou qu'il s'agisse d'une simple parole ou action. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ainsi que d'autres savants nous ont clairement expliqué ceci, que le fait de suivre les mécréants conduit à la perte de l'homme. Et dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après le récit d'Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Épargnez-moi certaines questions. Certes, ce qui a causé la perte des communautés qui vous ont précédé est qu'ils posaient trop de questions, ainsi que leur opposition à leurs messagers. Tout ce que je vous ai interdit d'accomplir, délaissez-le. Et tout ce que je vous ai ordonné de faire, accomplissez-le selon votre capacité." Et parmi ceux qui attestent et confirment ce récit de manière encore plus claire, il y a ce qui a été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques d'après Amr ibn Auf radiallahu anhu, qui a dit: "Abu Ubaidata revint un jour d'Al-Bahreïn avec de l'argent et des biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à certains de ses compagnons qui avaient prié la prière du subh de l'aube en sa compagnie: Ne savez-vous pas que Ubaydah est revenu d'Al-Bahreïn avec beaucoup d'argent et de nombreux biens ? Les compagnons dirent, bien sûr que oui, au messager d'Allah. Il dit alors, réjouissez-vous et espérez ce qui vous rendra heureux. Par Allah, je ne crains pas pour vous la pauvreté, mais je crains plutôt que la dunya, les biens de ce bas monde, ne tombent sur vous et ne jettent leur emprise sur vous, comme elle est tombée sur les peuples qui vous ont précédés, et que vous rivalisiez entre vous dans son acquisition comme ils se sont rivalisés, et que vous couriez à votre perte comme ils ont couru à leur perte. Ainsi, l'imitation des mécréants dans la concurrence pour obtenir les biens de ce bas monde ou dans tout autre domaine conduit à la perte de l'homme. Et également, parmi ceux qui appuient ces dires, il y a le récit de Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à toute action est associé un mal, et à tout mal est associé une nature. Donc quiconque dont la nature penchera vers ma sunna sera sauvé, et quiconque dont la nature penchera vers autre chose courra à sa perte. Ô toi le muslim, tu t'exposes assurément à la malédiction d'Allah si tu suis et imites les ignorants de l'ère anti-islamique, ainsi que les juifs, les chrétiens ou les polythéistes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit « Al-Madina, Médine, est préservée de Aïr jusqu'à Thawr, deux endroits limitrophes de Médine. Quiconque innovera en son sein que la malédiction d'Allah, des anges ainsi que de l'ensemble de l'humanité soit alors sur lui, Allah n'acceptera pas de lui ni repentir ni rançon. » Et ce récit a deux explications. La première fait référence à ce qui provoque les troubles et le désordre dans la ville d'Al-Madine, ainsi que l'insécurité. Et la deuxième concerne le fait d'y accomplir des innovations religieuses et des actes d'égarement. Et les deux entrent dans le cadre de l'innovation. Et l'imam Muslim a rapporté dans son recueil de récits authentiques, d'après Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Que la malédiction d'Allah soit sur celui qui aura innové dans la religion. » Donc toute personne qui aura apporté une innovation à la religion d'Allah sera maudite. Que cette innovation concerne l'imitation des mécréants ou non, ou que cette personne aura introduit dans la religion d'Allah ce qui n'en fait pas partie, elle sera bel et bien exposée à la malédiction d'Allah pour avoir apporté une pratique nouvelle à sa religion, comme le prouvent ces deux récits. Ô toi le muslim, tu t'exposes là à être privé de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنَ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Or ils ne cessent d'être en désaccord, excepté ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde, alors que c'est pour cette raison qu'il les a créés. Et la division est bien présente aujourd'hui au sein de la communauté, comme l'avait annoncé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui avait dit « Les juifs se sont divisés en 71 groupes, et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes, et ma communauté se divisera en 73 groupes, tous iront au feu, sauf l'un d'entre eux. » Notre preuve en cela est que cette discorde mène à la privation de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, exception faite pour ceux à qui ton Seigneur aura fait don de sa grâce pour ne pas s'être sectarisé et pour s'être fermement attaché à la vérité. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Et cette communauté est la vôtre et elle est une seule, tandis que je suis votre Seigneur. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Et cramponnez-vous tous ensemble à la corde d'Allah, le Coran, et ne vous divisez pas, et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est alors lui qui réconcilia vos cœurs, devenant ainsi frère par son bienfait, et que vous étiez au bord d'un abîme de feu, puis qui vous en sauva. C'est ainsi qu'Allah vous montre ses signes, afin que vous soyez peut-être guidés. Certes, le fait de ressembler aux mécréants te conduit tout naturellement à prendre leur apparence, comme cela a été établi dans le récit de Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma subsistance a été établie sous l'ombre de ma lance, et l'humiliation est réservée à toute personne qui aura transgressé mon ordre, et quiconque ressemble à une communauté est considéré comme étant un des leurs. À titre d'exemple, si quelqu'un aura émis le vœu pieux d'accomplir telle ou telle chose, et qu'importe qu'il sache ou non que cet acte fasse partie de la djahiliya, puis qu'il aura été informé que son acte coïncide avec ceux des polythéistes, il lui sera alors interdit d'accomplir ce vœu. En effet, il a été établi d'après Abu Daoud et d'autres, dans le récit de Thabit ibn al-Dhahhak radiallahu anhu, qu'un homme est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: « Ô messager d'Allah, j'ai fait le vœu de sacrifier un chameau à Bouan, un endroit non loin de Mecca, la Mecque. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: « Est-ce qu'il y avait à cet endroit une idole parmi celles que les polythéistes adoraient à l'époque de la Jahiliyyah ?» L'homme répondit: « Non. » Et il lui dit ensuite: « Est-ce qu'ils y célébraient leur fête ?» Il répondit: « Non. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit ainsi: « Accomplis alors ton vœu. » Car il n'est pas permis d'accomplir de vœux dans la désobéissance d'Allah, ni concernant une chose qui ne nous appartient pas. La preuve dans ce récit est que l'œuvre de cet homme aurait été caduque s'il avait fait son sacrifice à un endroit qui aurait coïncidé avec ceux des gens de l'ère anti-islamique. Et s'il ignorait ce jugement, puis qu'il en aurait été informé, il lui aurait été alors obligatoire de délaisser l'accomplissement de son acte dans le but de contredire les polythéistes et de s'opposer à leurs pratiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit, concernant une expression que les gens employaient avant la venue de l'islam: délaissez-la, car elle est très mauvaise. Désirez-vous imiter les gens de la djahiliya alors que je me trouve parmi vous? Délaissez-la, car elle est mauvaise. Certes, les œuvres des gens de la djahiliya sont des plus mauvaises et abjectes. Il est donc obligatoire de les délaisser et de s'en éloigner, que cela concerne la célébration de leurs fêtes, leur façon de s'habiller ou de parler, ou tout autre acte faisant partie de leur habitude. Et c'est sur ce principe qu'a été bâtie la religion d'Allah Azza wa Jalla, comme cela est indiqué dans sa parole: Lakum dinukum waliyadin, à vous votre religion et à moi la mienne. De même que dans sa parole: Wala tar كانوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Et ne penchez pas vers les injustes, sinon le feu de l'enfer vous atteindra, et vous n'avez pas d'allié en dehors d'Allah, et vous ne serez alors pas secourus. ولا إن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين. Et si tu venais à suivre leurs passions après ce qui t'a été apporté comme science, tu seras alors du nombre des injustes. Ô toi le musulman, tu agis avec science et tu es dans un bon état. En revanche, si tu venais à suivre les polythéistes et les ignorants dans leurs paroles ou la célébration de leurs fêtes, ou bien encore dans le fait de prendre leur apparence, cela te nuira. Et cela est considéré comme étant une scission d'avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra as-sabil lil-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, les compagnons du prophète, alors nous le délaisserons comme il s'est détourné et le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise destination! Les fêtes des croyants, depuis la venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, sont au nombre de 4: Eid al-Adha, le jour du sacrifice durant la période du Hajj; Eid al-Fitr, à la fin du mois de Ramadan; le jour d'Al-Jumu'ah, le vendredi; et les jours d'At-Tashriq, les 3 jours qui suivent le jour du sacrifice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit: le jour d'Al-Adha et le jour d'Al-Fitr et les jours d'At-Tashriq sont nos jours de fête, ô vous la communauté de l'islam. Et en ce qui concerne le jour d'Al-Jumu'ah, il a été établi qu'il est un jour de fête pour les musulmans et qu'ils se réunissent ce jour-là. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Quand l'appel à la prière d'Al-Jumu'ah est effectué, accourez alors à l'invocation d'Allah et délaissez tout commerce, cela est bien meilleur pour vous si seulement vous saviez. Que dire donc de ces jours qui ont été rendus fériés, durant lesquels les gens arrêtent de travailler et durant lesquels le temps est gaspillé, tout ceci pour ressembler aux mécréants? Cela ressemble fortement aux agissements des juifs et leur jour saint, le Shabbat, Sibbat, qui est le samedi, ainsi qu'à leur festivité durant ce jour. Le fait de s'associer à eux dans cela est interdit. L'arrêt de travail durant ces jours, qui sont chez les gens de la djahiliya des jours de fête, est strict justement défendu. Celui qui ressemble à un peuple en fait partie. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le fait de cuisiner certains plats particuliers tel ou tel jour, sous prétexte que c'est un jour de fête chez les mécréants, est formellement interdit. Le fait de porter des habits spécifiques comme ceux que portent les mécréants lors de leur fête est défendu. Tout cela n'a que passion. Et si tu venais à suivre leur passion après ce qui t'a été révélé comme science, tu seras alors du nombre des injustes. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, c'est-à-dire des gens d'équité, les meilleurs des gens. Comment donc, après cet éloge fait sur nous par le Seigneur de l'univers, pourrait-on accepter de ressembler à des gens à propos desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaikahum sharrul bariya » Les mécréants parmi les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement de toute la création, ce sont eux les pires. Et si tu essayais de recenser toutes les fois que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a contredit les mécréants dans la tahara, les rites de la purification, la salat, la prière, la zakat, l'acquittement de l'aumône obligatoire, le hajj, le pèlerinage à Mecca et dans bien d'autres domaines relatifs à la religion d'Allah, tu te rendras compte qu'il n'y a pas d'acte parmi les actes d'adoration sans que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'efforçait toujours de contredire au maximum les mécréants. Tout cela en signe d'honorabilité et d'élévation pour cette religion. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Or c'est en Allah qu'est la puissance, ainsi qu'en son messager et aux croyants. N'agrée pas pour ta personne l'humiliation, toi le musulman, en ressemblant aux mécréants, ni dans la célébration de leurs fêtes, ni dans leurs paroles et tous leurs faits et gestes, car c'est une communauté de gens égarés. Allah Azza wa Jalla a dit وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. Et les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis, certes, c'est la guidée d'Allah, l'islam, qui est la vraie direction. Mais en application, les versets de la sourate Al-Fatiha إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, les croyants, non pas celui qui ont encouru ta colère, les juifs, ni celui des égarés, les chrétiens. Voilà donc le droit chemin, celui dont il est fait référence dans les versets que tu récites à chaque raka, dans chaque unité de prière. Comment peux-tu donc contredire ces versets alors que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te guide vers ce chemin de droiture? Car parmi ceux qui impliquent cette invocation, il y a le fait de s'écarter de toute ressemblance aux mécréants. Quel que soit le domaine dans lequel tu les auras suivis et imités, sache qu'ils ne sont en rien bien guidés. Innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay inma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Le jour où certains visages s'illumineront tandis que d'autres s'assombriront. Quant à ceux dont les visages seront assombris, il leur sera dit: avez-vous mécru après avoir eu la foi? Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. Et quant à ceux dont les visages s'illumineront et ils baigneront dans la miséricorde d'Allah où ils demeureront éternellement. Ils ne sont rien bien guidés. Donc sur quoi est basé ton suivi? Sur les passions et l'ignorance. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla un jour à Hunayn, et qu'il vit certains muslimoun qui l'accompagnaient, qui ne s'étaient convertis que depuis peu, accrocher leur épée à un arbre, recherchant ainsi sa bénédiction. Puis que ces derniers lui dirent « Ô messager d'Allah, établis pour nous cet arbre auquel nous avons suspendu nos armes comme source de bénédiction, comme celui que les polythéistes ont. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur répliqua alors « Allahu Akbar, par celui qui détient mon âme dans sa main. Vous venez de dire là les mêmes paroles qu'avaient dites les Banu Israël à leur prophète Moussa, Moïse. « Ij'al lana ilahan kama lahum aliha, qala innakum qawmun tajhaloun. » Établis-nous une divinité semblable aux leurs, c'est-à-dire aux polythéistes. Moussa leur dit alors « Vous êtes certes des gens ignorants. » Moussa avait ainsi dit aux gens de son peuple qui avaient ressemblé aux mécréants qu'ils étaient des ignorants. Et il en est de même pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec une partie de son peuple. Innakum qawmun tajharun, inna haulai mutabbarun ma hum fi wa batilun ma kanu ya'malun. Vous êtes certes des gens ignorants. Le culte auquel cela s'adonne est caduque et tout ce qu'ils accomplissent comme œuvre est nul et sans valeur. Vaines sont leurs actes, ô mon frère. Les œuvres des mécréants sont caduques. Walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Et s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient accompli aurait certainement été vain. Car parmi les conditions de validité des œuvres, il y a la sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc suis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tes œuvres seront alors acceptées. Car celui qui aura contredit la méthodologie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on craint pour lui que ses actes soient rejetés. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, quiconque innove dans cette religion en y apportant quelque chose qui n'en fasse pas partie, son acte sera rejeté. Et il a également dit, tout acte qui n'est pas en conformité avec nos enseignements est rejeté. Et aussi dans le récit Qudsi, dont la parole provient d'Allah, je suis le plus en droit qu'il ne me soit rien associé. Quiconque m'aura voué un acte d'adoration en m'ayant associé quelqu'un ou quelque chose, je le délaisserai, lui et son association. Ainsi, toutes les œuvres qui ne sont pas en conformité avec la religion d'Allah et ses commandements sont rejetées. Et la célébration des fêtes religieuses, ô mon frère, est un acte d'adoration religieusement légiféré qui fait partie intégrante de notre religion. Alors comment peux-tu assimiler toutes ces fêtes qui proviennent des mécréants à la religion d'Allah? Et pourquoi donc les musulmans devraient-ils les célébrer? Et pour quelle raison le travail devrait-il être arrêté? Et pourquoi tout ce temps devrait-il être perdu et désorganisé? Et bien d'autres choses encore. Par conséquent, tout cela a un caractère religieux. Donc il s'agit bel et bien là d'une innovation religieuse. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque innove dans cette religion en y apportant quelque chose qui n'en fasse pas partie, son acte sera rejeté. Certes, Allah n'accepte pas le repentir d'un innovateur jusqu'à ce que ce dernier délaisse son innovation. La célébration de toutes ces fêtes qui se sont répandues dans les pays musulmans par imitation vers les mécréants est une innovation qui égare les gens. C'est une perte de temps, un détournement par l'ignorance, une perte d'argent et du gaspillage, et cela engendre bien d'autres dommages encore. Il est donc strictement interdit à quiconque de se réjouir de ces fêtes implicitement ou explicitement. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد. Toutes les louanges sont à Allah, nombreuses, bonnes et bénies. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Muhammad صلى الله عليه وسلم est son serviteur et messager. Ceci étant dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. Il en fut de même pour ceux qui vous ont précédé. Ceux-là étaient bien plus forts et plus riches que vous, et avaient plus d'enfants. Ils jouirent de leur part dans ce bas monde, et vous, vous avez joui de votre part, comme ont joui de leur part ceux qui vous ont précédés. Et vous avez polémiqué à tort et à travers, comme l'avaient fait ces derniers. Allah, tabaraka wa ta'ala, exposa ensuite que ses agissements étaient interdits et que ces gens ne faisaient que suivre ceux à propos desquels il a dit Oulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wa oulaika humul khasirun. Les œuvres de ces gens seront vaines dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et voilà les vrais perdants. Les œuvres de ces gens, c'est-à-dire les mécréants, sont caduques. Allah tabaraka wa ta'ala a dit wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar wa ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun. Et ne penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindra, et vous n'avez pas d'autre allié en dehors d'Allah, et vous ne serez pas secourus. Et Allah azza wa jalla a aussi dit wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Nous avons pris en considération tout ce qu'ils avaient accompli comme œuvre, puis nous les avons réduites en poussière éparpillée. Et il a également dit مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. Voilà l'égarement profond. Et lorsque les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avaient dit ô messager d'Allah, il nous a été commandé de faire des œuvres dont nous sommes dans l'incapacité d'accomplir, alors qu'il t'a certes été révélé ces versets, c'est-à-dire qu'ils étaient épuisés, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les avait alors réprimandés en leur disant: aimeriez-vous dire, comme ont dit les gens du livre, les juifs et les chrétiens, nous avons certes entendu et désobéi? Dites plutôt, nous avons entendu et obéi. Pardonne-nous notre Seigneur, et c'est vers toi qu'est la destination finale. Il leur avait ainsi défendu de ressembler aux gens du livre. Et du même ordre, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu ndurna wasma'u wa lil kafirin 'adhabun alim. Ô vous les croyants, ne dites pas surveille-nous et écoute-nous, mais dites plutôt regarde-nous et écoutez attentivement, et il a été préparé pour les mécréants un douloureux châtiment, en référence à une vulgaire expression des juifs. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait interdit aux gens d'égorger les bêtes à l'aide de cornets. Il a en effet dit: quant aux dents, il s'agit d'os, et quant aux ongles des bêtes, ce sont les couteaux des Abyssins, les Éthiopiens. Car à cette époque, les chrétiens d'Abyssinie utilisaient la cornée pour égorger leurs bêtes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interdit alors aux gens de leur ressembler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam quittait El Muzdalifa, un endroit proche de Mecca, lors du pèlerinage avant le lever du soleil, en contradiction avec les gens de la Jahiliya, car ces derniers ne repartaient de cet endroit qu'après que le soleil ne se soit levé, et disaient: nous ne partirons qu'après que le soleil ne se soit levé. Et toujours lors du pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra dans sa maison par la porte de devant, et des versets du Coran furent révélés à ce sujet, commandant aux gens d'entrer dans leur maison par leur porte de devant. Car à l'époque anté-islamique, les gens en état de sacralisation s'abstenaient d'entrer dans leur maison par devant par superstition, tant qu'ils n'avaient pas fini leur pèlerinage, et ils y entraient si besoin est par derrière ou par les fenêtres. Allah azza wa jalla a dit à ce propos: wa laysa al بر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Et cela ne fait pas partie de la bienfaisance que d'entrer dans les maisons par derrière, mais la piété consiste plutôt à craindre Allah. Entrez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Allah afin que vous réussissiez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit d'accomplir des prières à trois moments de la journée. Et il avait informé que parmi les raisons de cet interdit, il y avait que les mécréants priaient durant ces moments. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam touchait sa femme et l'embrassait alors que celle-ci était en période de menstrue, de même qu'il mangeait avec elle et buvait dans le même verre qu'elle, de l'endroit même duquel elle avait bu. Tout ceci dans le but de contredire les juifs, car ces derniers s'écartaient de leurs femmes et les éloignaient d'eux dans leur maison lorsqu'elles avaient leur menstrue. Ils ne se mélangeaient pas à elles, ni ne mangeaient avec elles, ni ne buvaient avec elles. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les contredit alors et avait dit: faites tout ce que vous voulez avec elle, excepté le coït, référence faite à la pénétration lors des rapports conjugaux. Les Juifs dirent alors, il n'y a rien que nous faisions sans que Mohammed s'oppose à nous. Et notre jeûne se différencie du jeûne des Juifs et des chrétiens. L'islam y a en effet légiféré le suhur, le repas avant l'apparition de l'aube, ainsi que l'ordre de se précipiter de rompre le jeûne dès le début du coucher du soleil. Tout ceci afin de contredire les polythéistes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, certes les juifs et les chrétiens ne se teignent pas la barbe, teignez-vous alors votre barbe. Il a également dit, teignez vos cheveux blancs et gardez-vous de les teindre en noir. Et du même ordre, priez avec vos sandales, contredisez les polythéistes. Tout ceci dans le but de contredire les polythéistes dans la purification rituelle, la prière, ainsi que dans tout autre acte d'adoration ou non, recherchant en cela à s'opposer aux polythéistes et aux juifs. Mais malheureusement, nous constatons aujourd'hui l'inverse de cela chez les musulmans, ceux-là même qui suivent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses préceptes religieux. Malgré cela, la majorité, ou plutôt un grand nombre de leurs agissements et leurs pratiques sont étrangères à ces enseignements sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous les gens, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Voudriez-vous meilleur que cela? Meilleur que le modèle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Vous ne trouverez jamais meilleur exemple à suivre. Parfaitement, il n'y a pas meilleur modèle à prendre en exemple que celui du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prouvent ces versets, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'mina idha qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, après qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir le choix dans leur façon d'agir, et quiconque désobéit à Allah ainsi qu'à son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et tout ce que le messager vous donne, prenez-le, et tout ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. Que prennent garde ceux qui s'opposent au commandement du messager d'Allah qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Certes, parmi les plus grands maux qui affectent les musulmans, il y a le fait d'imiter les mécréants qui prouvent l'amitié et l'attachement que les gens ont pour eux, quand bien même cela n'aurait lieu que de temps en temps, ou que cela concernerait leur façon de parler, ou bien qu'il s'agisse d'une approbation ou d'un suivi. Allah tabaraka wa ta'ala a certes dit wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimin. Et celui d'entre vous qui les prend pour allié devient alors un des leurs. Allah ne guide certainement pas les gens injustes. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Donc si cette alliance avec Allah Azza wa Jal et ce désaveu du faux et de ses adeptes se concrétise chez une personne, alors Allah Azza wa Jal la gratifiera par de nombreux bienfaits. Et parmi ceux-ci, il y a ce qui est mentionné dans ce verset, Oulaika kataba fi qulubihim al-iman. À cela, Allah a prescrit la foi dans leur cœur. Ainsi, quiconque désire qu'il lui soit prescrit la foi dans son cœur et qu'elle lui soit augmentée et qu'il ressente son enjouement de même que son goût, qu'il mette donc en application tout ce qui est mentionné dans les versets précédemment cités, comme l'amour pour les croyants et leur alliance, ainsi que l'inimitié envers les mécréants et leur désaveu, et également le fait de s'éloigner d'eux et de leur ressembler. Oulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min. À cela, Allah a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Et la victoire, le raffermissement et la réussite ne s'obtiennent qu'à travers l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dit, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. Cela est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Donc parmi les signes de reconnaissance des bienfaits d'Allah chez l'homme, il y a que lorsqu'Allah Azza wa Jalla le fait triompher face à un ennemi, ou qu'il l'honore, ou lui fait don de sa grâce en l'ayant raffermi dans sa foi ou dans tout autre domaine en rapport avec la religion, celui-ci répond à ses bienfaits par la modestie et le remerciement, ainsi que par l'obéissance et le repentir, de même qu'il y répond en mettant en pratique les enseignements de la religion d'Allah, celui-là même qui l'a raffermi. Allah Azza wa Jalla a dit « Alladhina immakkannahum » ceux qui, si nous les établissons fermement sur terre, car c'est Allah qui raffermi qui il veut. « Qulillahumma malika al-mulki tu'ti al-mulka man tasha'u wa tanzi'u al-mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir » dit au notre Seigneur, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu l'arraches de qui tu veux, tu honores qui tu veux et tu humilies qui tu veux, le bien est dans ta main et tu es omnipotent. Ainsi, si Allah raffermit l'homme dans sa religion, ou qu'il lui vient en aide, ou qu'il l'honore, que cet homme s'abstienne donc de répondre à ses faveurs par la désobéissance et par la célébration des fêtes innovées, mais qu'il y réponde plutôt par les remerciements adressés à Allah Azza wa Jalla, car cela ne fera qu'augmenter le nombre de ses bienfaits sur lui, et cela le raffermira davantage. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'il leur donnera la succession et la suprématie sur terre, comme il les a donné à ceux qui les ont précédés, de même qu'il établira fermement leur religion qu'il a agréée pour eux et qu'il leur changera leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien, et méditent sur la parole et fait de bonnes œuvres. Et parmi ce qui fait partie des bonnes œuvres, il y a le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, de même que de s'écarter de toute ressemblance aux mécréants, et également de les imiter. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi la shadid. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai très certainement mes bienfaits sur vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera alors terrible. Walhamdulillahi rabbil alamin.